Jésus devant Pilate. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas dans le prétoire de peur de se souiller et de ne pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit au devant d'eux et leur dit: de quel crime accusez-vous cet homme? S'il n'était pas un malfaiteur, nous devrions l'arrêter. Prenez-le donc vous-même et le jugez selon votre loi. Nous n'avons pas le cas. Sortit vers les Juifs et leur dit: pour moi, je ne trouve en cet homme aucun crime. Mais comme il est usage qu'à la fête de Pâques, je vous relâche un prisonnier. Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs? Sortit une fois encore et dit: voici, je vous l'amène, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit tôt, portant la couronne divine, et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit: voici l'homme. Seigneur et mon Dieu, considère celui par qui seul tu veux bien nous faire miséricorde. Ses pieds si cruels.